Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Deuxième partie, sixième chapitre, troisième paragraphe, section deuxième, dévotion envers Marie, la fréquentation des sacrements. L'homme né de sa nature dénuée de tout bien surnaturel, et incapable par ses seules forces de faire la moindre chose qui puisse le conduire, ou seulement le disposer à la vie éternelle. Il est semblable à une terre aride qui n'a la vertu de produire aucun fruit digne d'être présenté sur la table céleste, et si cette terre n'est arrosée par les eaux des grâces divines, elle demeurera toujours frappée de stérilité et de malédiction. Elle n'engendrera que des ronces et des épines, ou du moins ne produira jamais des fruits dignes de Dieu. Or, Dieu voyant notre incapacité totale pour le bien, et voulant néanmoins que nous le fassions, prépara des fontaines et des canaux pour arroser cette terre aride et desséchée. C'est pourquoi le prophète Isaïe a dit, « Vous boirez avec allégresse les eaux des fontaines du Sauveur. » Isaïe 12, 3. C'est à ces sources que Jésus-Christ nous invite. « Si quelqu'un a soif, dit-il, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Si quelqu'un est dans la peine, qu'il vienne à moi, et il trouvera un doux rafraîchissement. » C'est à ces sources que Marie invite pareillement ses enfants, ses serviteurs. « Venez, leur dit-elle, venez, mangez le pain que je vous donne, et buvez le vin que je vous ai préparé. » Proverbe 9, 5. Qui nous adresse ces paroles, c'est Marie, à qui l'Église les applique. À quelle table nous invite-t-elle? À la table où l'on mange le pain eucharistique. C'est là le pain que Marie nous a préparé dans ses chastes entrailles, c'est là le vin qu'elle nous a fourni au moyen de son sang très pur, c'est là le froment des élus, le vin qui fait germer les vierges. Jacques 6, 17. Voilà la véritable fontaine de vie, voilà la source de tous les biens, voilà le fleuve qui descend du paradis, et se répand sur la terre aride de nos cœurs pour la saturer, l'engraisser, et lui faire porter des fruits dignes de la vie éternelle. C'est là cette manne qui nourrit les véritables Israélites durant leur pèlerinage sur cette terre déserte, sans route et sans eau. Psaume 62, 3. C'est l'eau qui jaillit en abondance du rocher pour désaltérer le peuple de Dieu. Manne véritable et de la saveur la plus exquise, eau véritable qui éteint toutes les ardeurs de la concupiscence, véritable pain, qui, souvent goûté, nous donne les forces nécessaires pour nous faire parvenir jusqu'à la sainte montagne de Dieu. Véritable corps autour duquel se réunissent les aigles de l'Évangile, véritable sang qui rend d'une blancheur éclatante les vêtements des enfants de la céleste Jérusalem, véritable agneau, immolé dès l'origine du monde, Apocalypse 13, 8, et qui, dès l'origine du monde, par son sang présente à la préscience de Dieu, servit à apaiser la colère divine, et à rendre la divine miséricorde propice aux enfants malheureux d'un père prévaricateur, heureusement élevé à la dignité d'enfant du nouvel Adam. Ah, ce ne fut point le sang de l'agneau antique qui sauva les enfants d'Israël, mais bien le sang de Jésus-Christ, figuré par cet agneau. Ce n'était point le serpent d'airain qui guérissait de la morsure des serpents du désert, mais bien Jésus-Christ, qui, suspendu comme le serpent, cloua sur sa croix l'arrêt de notre mort. Sagesse 16, 7. Le cœur de Jésus-Christ est entrouvert par une lance cruelle, voilà la véritable source d'où découlèrent les sacrements de l'Église. Ô Dieu, ils sont si grands, si admirables les trésors renfermés dans les fontaines du Sauveur, Quand les considérants en en demeurent ravis et stupéfaits d'étonnement, mais quel devrait être notre étonnement, ou plutôt notre indignation, notre horreur à la vue de ceux qui, invités avec tant d'amour à la table céleste, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, refusent de s'en approcher. Et quoi, si Dieu vous appelait pour vous imposer un travail, une peine, vous pourriez avoir quelques motifs de vous en exempter, mais il vous invite à sa table, au festin sacré, au banquet splendide, où l'on goûte le pain des anges, la chair immaculée de l'agneau divin, au banquet dont les convives peuvent avec raison s'estimer heureux, Apocalypse 19, 9. Et vous refusez, et vous apportez des retards, et vous cherchez des excuses pour vous en dispenser. Vous avez, dites-vous, acheté une maison de campagne, vous avez acheté des bœufs, vous avez pris une femme, et par conséquent vous ne pouvez vous y prendre. À parler plus clairement, dites que vous ne voulez pas. Pourquoi répéter toujours « je ne puis pas venir » ? Saint Matthieu vous donne le démenti en deux mots, quand il dit à votre confusion, « mais ceux-là ne voulurent point venir » Matthieu 22, 3. Vous dites, « nous ne pouvons pas », mais la vérité infaillible dit, « ils ne voulurent point ». D'où vient un tel éloignement de la part des fidèles ? D'où vient un si grand dégoût, une aversion si forte pour cette nourriture ? Assez que leur cœur va se corrompre avec les oignons d'Égypte, avec les mets et les viandes infectées des marais fangeux, à cause de cela la manne délicieuse devient pour eux une nourriture insipide et sans goût. Nombre 21, 5. Sachez que le vice n'est pas dans la nourriture, mais dans votre palais. Proverbe 27, 7. Votre estomac est rempli des ordures les plus immondes. Faut-il s'étonner qu'il ne puisse goûter la saveur de la manne céleste? Je crois pourtant avoir trouvé une autre raison très forte pour laquelle les chrétiens ont tant de peine à s'approcher de la table eucharistique. On est la médecine, parce qu'on aime la maladie, on est la vie, parce qu'on aime la mort on s'éloigne de Dieu, parce qu'on aime le péché. Le péché, voilà ce qu'on aime, on le veut pour compagnon inséparable, et pour cela on fuit comme la peste tout ce qui pourrait l'éloigner de nous. Du temps de Saint Martin de Tours, qui avait reçu de Dieu le don de guérir toutes les maladies, en sorte que partout où il passait, il n'avait qu'à toucher les boiteux pour les redresser, les aveugles pour leur rendre la vue, tous les infirmes en un mot, pour les délivrer de leurs infirmités, de son temps, dis-je, il se trouva quelques aveugles tels, qu'entendant dire que Saint Martin devait traverser la contrée, ils avaient soin de se cacher, et savez-vous pourquoi? Par la crainte que le saint ne leur rendît la vue, ils croyaient trouver leur compte dans un accident qui excitait en leur faveur la commisération publique et les dispensait de gagner leur pain à la sueur de leur front. Ainsi pour s'épargner un peu de fatigue, ils renonçaient volontiers au bonheur de jouir de la lumière du jour. Je ne sais si l'on pourrait trouver une comparaison plus propre à représenter la conduite insensée de ceux qui se dérobent à la table sainte. Dans la crainte d'être guéris de leur aveuglement, ils trouvent leur compte, ou du moins ils croient le trouver à la faveur des ténèbres, ils vivent en impie, sans conscience, sans remords et sans Dieu, ils ne se plaisent à habiter que sous terre, la lumière de la vérité leur est insupportable, parce qu'elle leur ferait voir leur avilissement, qu'elle les réveillerait de leur léthargie, et les obligerait d'abandonner leur criminel divertissement. Ainsi pour ne pas se priver de ces plaisirs infâmes, ils renoncent de plein gré à la lumière, qui est Jésus-Christ, Job 24, 13 et 21, 14. Retirez-vous de nous, Seigneur, lui disent-ils, Nous ne voulons point de votre lumière, nous ne voulons point entendre parler de vos voix, nous ne nous soucions point de vous. Un excès de folie aussi monstrueux serait à peine croyable, si l'Esprit Saint ne l'attestait, et si nous n'en avions tous les jours sous les yeux de déplorables et nombreux exemples. Que de personnes ne voyons-nous pas qui pendant tout le cours de l'année se tiennent éloignées du divin sacrement, et quand s'approchent les fêtes de Pâques où il faut communier, c'est pour eux l'époque la plus sombre de l'année. Ils désireraient que les Pâques n'arrivassent jamais, pour n'être pas obligés de faire ce qu'ils redoutent souverainement. Combien encore qui passent des années entières, peut-être toute la vie sans s'approcher de la table eucharistique. Ceux-là pourront-ils se dire serviteurs de Marie, j'en laisse le jugement à d'autres. Pourront-ils espérer de la trouver propice, j'en laisse le jugement à Dieu, et m'en rapporte volontiers à sa profonde sagesse pour la décision de ce problème. Ah, je crains, et je crois n'être que trop fondé à craindre que ces malheureux, après avoir repoussé Dieu, ne soient à leur tour repoussés de Dieu, je crains que Dieu n'ait déjà prononcé contre eux la terrible sentence. Je cesserai désormais d'avoir pitié d'eux, Osée 1, 6, puisqu'ils m'ont volontairement rejeté. Cependant je laisse tout cela dans le secret des jugements de Dieu, qui sont toujours justes, toujours saints, ou plutôt la justice et la sainteté même. Mais ceux qui se révoltent à ce point contre la lumière sont en minorité parmi les fidèles. La plupart d'entre eux s'approchent de la Sainte Table plusieurs fois l'an. Ces derniers peuvent-ils se glorifier d'être enfants de Marie, laquelle les invite à se nourrir du pain qu'elle leur présente, et à boire le vin qu'elle leur a préparé? Je réponds qu'oui, ceux-ci, du moins en ce point, sont obéissants à Marie, pourvu toutefois qu'ils s'approchent de la table sainte avec les dispositions requises. Mais que serait-ce s'ils en étaient dépourvus, s'ils avaient la témérité d'entrer dans la salle du festin sans être revêtus de la robe nuptiale, c'est-à-dire de la sainte vertu de charité? Dans ce cas, ils devraient s'attendre à une sentence non moins terrible que les premiers, savoir à être jetés dans les ténèbres extérieures, Matthieu 22, 13, dans les ténèbres de l'enfer, en punition des ténèbres intérieures, dans lesquelles ils se sont volontairement plongés, et avec lesquelles ils ont osé s'approcher de la table du Seigneur. Celui qui prend indignement ce repas sacré, dit l'apôtre, mange et boit son arrêt de mort éternel, 1 Corinthiens 11, 29. Or, ce n'est point là prêter obéissance à la Sainte Vierge, qui nous invite à nous nourrir de son pain. Pour cela il faut s'approcher de la Sainte Table, mais s'en approcher dignement. Je n'entends pas avec la dignité que mérite une telle nourriture, car qui pourrait jamais la recevoir mais avec la dignité que comporte notre fragilité, que l'homme s'éprouve d'abord lui-même et qu'il s'avance ensuite pour se nourrir de ce pain et boire de ce calice, 1 Corinthiens 11, 28. Ô Dieu! Avec quelle pureté extrême ne devrions-nous pas nous approcher de la source même de toute pureté? Combien pur devrait être notre cœur pour recevoir la chair immaculée prise dans les entrailles de la très sainte Vierge? L'Église s'étonne de la condescendance du Verbe divin, qui, pour sauver les hommes, n'eut pas horreur du sein d'une Vierge. Mais que devrait-on dire en voyant qu'il ne dédaigne pas d'entrer dans un cœur qui n'a rien de comparable à la pureté de Marie? Ah, nous devrions désirer d'être sans tache comme la très sainte Vierge, d'être pur comme elle, saint comme elle, pour loger dignement un tel hôte, ou plutôt pour le loger d'une manière moins indigne de son infinie majesté, mais qui jamais pourra atteindre à une si haute sainteté? Il sera donc mieux, me répond-on, de s'en tenir tout à fait éloigné, que de s'en approcher si plein de souillure et d'imperfection, ou du moins de ne s'en approcher que très rarement, et dans l'unique but de remplir le précepte ecclésiastique. Non, cela n'est pas, mon cher lecteur, c'est là une des plus funestes illusions qu'ait pu inventer l'ennemi du genre humain dans ces derniers temps, et que ses satellites, enfants rebelles de l'Église catholique, répandent le plus qu'ils peuvent, afin d'éloigner les fidèles de la réception de la divine Eucharistie. Vous voulez vous en abstenir, parce que vous vous en reconnaissez indigne? Mais dites-moi par quel motif êtes-vous porté à vous en juger indigne? Est-ce à cause de quelque faute mortelle? S'il en était ainsi, vous devez, je ne dis pas vous en abstenir absolument, mais tâchez de rentrer au plus tôt en grâce avec Dieu, au moyen d'une salutaire confession, et ensuite vous en approcher. S'il s'agit de tout autre motif, de ce que, par exemple, ne trouvant pas en vous cet ensemble de sublimes vertus que semblerait exiger une si sainte action, vous vouliez vous en dispenser, ou du moins attendre jusqu'à ce que vous les ayez acquises. Je vous réponds, vous êtes dépourvu de cet assemblage des vertus, mais comment pourrez-vous les acquérir, si vous vous tenez éloigné de celui qui est le Dieu des vertus? Vous voulez attendre pour vous y préparer, mais comment vous préparerez-vous étant éloigné de Dieu? À jamais je ne croirai que la fuite de Jésus-Christ soit un moyen de vous disposer à recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Sachez donc que le pain eucharistique n'est pas seulement la nourriture des forts, mais aussi le lait des faibles, et la médecine des infirmes. Sachez en outre qu'à ce festin on admet facilement toutes sortes de personnes, fussent-elles aveugles, estropiées, ou affligé de quelque autre manière. Bien plus, afin que vous ne puissiez en douter, les serviteurs du père de famille reçurent l'ordre express d'aller à la recherche de ces derniers. Une seule disposition est indispensablement requise, c'est que l'on soit revêtu de la robe nuptiale, qui est la charité. Qu'ils sont donc opposés à l'esprit de Jésus-Christ ceux qui prétendent qu'il ne faut admettre à cette table sacrée que ceux qui sont parvenus à une sainteté consommée. Jansénistes présomptueux, vous voulez être plus prudent que Jésus-Christ. Il fait inviter les estropiés, et vous ne laissez entrer que les parfaits. Ah, vous faites voir que vous êtes non seulement estropiés, mais aveugle de cet aveuglement coupable qui rend abominable aux yeux de Dieu. Plus à Dieu que vous ne fussiez qu'aveugle, vous pourriez encore dans ce cas être invité au banquet divin. Mais vous voulez y voir trop clair, et à force de voir, vous perdez tout. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Je crains précisément de manquer de la condition essentielle et indispensable, qui est la grâce sanctifiante, et par suite d'entendre à ma confusion cet arrêt formidable, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Mon frère, sur quoi est donc fondée votre crainte? Si vous vous sentez de l'affection au péché, certainement craignez, vous en avez une juste raison, si au contraire vous savez qu'à la vérité vous avez péché, mais que d'ailleurs vous avez demandé sincèrement pardon au Seigneur, que vous vous en êtes accusé à son ministre, que vous avez fait tout ce que Dieu exige de vous, vous devez en pareil cas bannir cette crainte pusillanime, vous devez concevoir une confiance filiale dans la bonté du Seigneur. La crainte est bonne quand elle est réglée, mais elle est toujours mauvaise quand elle n'est pas tempérée par l'espérance, quand elle porte au désespoir et à la fuite de Dieu. Voulez-vous fuir l'indignation de Dieu? Vous dit saint Augustin. Jetez-vous dans ses bras, c'est l'unique moyen qui vous reste d'éluder ses coups. Vous reconnaissez-vous indigne, même après avoir fait tout ce que vous avez pu et dû faire pour vous approcher du divin sacrement? Eh bien, rendez grâce à Dieu de vous avoir donné cette connaissance de vous-même. Et comment croyez-vous pouvoir jamais vous en reconnaître digne? Si nous parlons d'une dignité absolue, j'ose dire que la très sainte Vierge elle-même n'en fut pas digne. Dieu seul peut être digne de Dieu. Reconnaissons donc, car ceci est un devoir, reconnaissons notre indignité, répétons avec le centurion. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, humilions-nous profondément en la présence de Dieu, mais toujours conservons dans nos cœurs une confiance filiale en ce Dieu, qui, oubliant notre indignité, pour ne consulter que sa bonté et sa miséricorde, veut se communiquer à nous. Soyons obéissants à la voix de ce Dieu qui nous invite à nous approcher de lui, qui nous le commande sous les peines les plus rigoureuses, montrons-nous aussi obéissants envers Marie notre mère, qui nous convie à nous nourrir de son pain, et à boire de son vin. Proverbe 9:5. Pour suppléer à notre indignité et au défaut de préparation, offrons à Jésus la préparation qu'apporta Marie à l'incarnation divine, les soins qu'elle prenait de se disposer elle-même à la communion, à laquelle, au rapport de la tradition, elle participa tous les jours après l'ascension de son divin Fils. Ainsi nous pouvions égaler sa ferveur. Si notre cœur était enflammé comme le sien, désirons au moins qu'elle nous communique quelque étincelle de ce brasier d'amour qui brûlait dans son cœur. Disons-lui avant de nous approcher de la Sainte Table, ô Vierge Sainte, faites que mon cœur brûle de l'amour de mon Dieu. Elle est la mère d'amour, elle ne dédaignera point nos supplications, elle y répondra favorablement. À l'imitation de Jésus, elle ne désire rien tant que de voir le feu du divin amour s'allumer dans les cœurs de tous les hommes. Marie le désire, Dieu le désire, nous le désirons, notre cœur s'enflammera donc des ardeurs de la divine charité. Seulement que notre désir soit sincère, songeons du moins à l'exciter de plus en plus, et Marie songera au reste. Serviteur dévoué de Marie, je vous demande une chose au nom de votre mère, une chose facile, une chose raisonnable et que vous ne pourrez refuser ni à moi, ni à elle, sans montrer que vous voulez contrarier les plus justes, les plus sages désirs de la mère la plus aimante. Ce que je vous demande en son nom, le voici, confessez-vous et communiez à toutes les fêtes de la très sainte Vierge. Je désire, ainsi que Marie, que vous communiez même plus souvent, selon l'avis d'un sage directeur. Mais en tout cas, au jour où l'Église célèbre quelques fêtes de la Sainte Vierge, vous ne devez en aucune façon vous dispenser de le faire. Faites donc en sorte, quelque temps avant la fête, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour vous disposer à aller, le jour de la fête, faire votre cour à la très sainte Vierge, qui se plaît à assister à la table où se distribue la chair prise dans son sein virginal. Cette demande n'est-elle pas raisonnable? Marie exige-t-elle trop en demandant cet acte d'obéissance à ses ordres maternels? Jugez-en vous-même. Pour moi, bien loin de trouver ce commandement pénible, je suis forcé de le regarder comme une faveur singulière que fait la très sainte Vierge à celui auquel elle parle de la sorte. Elle est libérale, elle veut donner la bonne fête à ses enfants, comme on a coutume de dire. Et quel don précieux elle leur tient préparé, un don infini. Cependant, qui le croirait, il en est bien peu qui soient avides d'en profiter. Ô Marie, daignez-nous ouvrir les yeux, à nous qui sommes vos enfants, aussi nous connaissions le don de Dieu. Mais nous sommes aveugles, nous sommes ignorants, obtenez-nous un rayon de lumière, ô Marie, brillante aurore, éclairez les ténèbres de notre intelligence, afin de nous disposer à contempler la clarté resplendissante du soleil de justice. Jésus-Christ, votre divin Fils, digne d'être loué et béni dans tous les siècles des siècles. Amen. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.